Bonjour Hélène Sixou. Bonjour. Où étiez-vous en 1969 ? En 69, j'étais à Paris, précisément, presque tout le temps, à Vincennes, dans le bois de Vincennes, dans le bois, où naissait Paris 8, mon université. Et je devrais dire en même temps, puisque je dis Paris, en fait Paris c'était le monde. C'était l'époque où le monde entier qui pensait, qui cherchait, qui luttait, était résidé ou réfugié ou passé par Paris. L'année 1969 nous a accompagnés toute cette semaine. Depuis lundi dernier, on est allé voir comment ça se passait aux États-Unis, en Allemagne, en France aussi. Lundi, on a parlé avec François Doss. Avec vous aujourd'hui, Hélène Sixou, on va explorer d'autres aspects de cette année en France et à Paris, également d'un point de vue littéraire, puisque vous, en 1969, vous avez reçu le prix Médicis pour votre livre « Dedans ». Quel souvenir gardez-vous précisément de cette année ? Quand je pense 69, je ne pense pas le prix, même si je trouve que c'était très bien, que c'était un moment, qui était un moment tournant aussi dans les grands chemins de la littérature, qui à l'époque était flamboyante, même si elle avait des bords étroits. Ça, il faudra qu'on en parle, parce qu'elle était, elle était masculine, quoi, voilà. Mais autrement, je pense que 69, pour moi, c'est 68, qui était à son tour la continuité de 67. C'est-à-dire c'est une époque où on devrait compter d'ailleurs par décennie. C'est la décennie des années 70, qui est une décennie, moi j'appelle ça la décennie d'or. C'est vraiment un temps d'or. Et où on a connu et joui de cime, d'apogée, dans tous les domaines de la création et de la pensée. Et ça durait quand même au moins 10 ans. Et en 69, ce qui traverse en même temps ces grands champs, qui sont des champs infinis et qui évidemment ne peuvent pas être enfermés dans un simple numéro d'année, en même temps, c'était une époque politique extrêmement importante. Et mes amis, qui étaient des philosophes, des créateurs de tout genre, des écrivains, et qui n'étaient pas nécessairement français, au contraire, je dirais que majoritairement ils étaient étrangers. C'était tous des gens qui étaient profondément, vitalement engagés, littérature comprise, dans la réflexion sur l'agitation du monde, qui était d'une grande violence. C'était une époque de dictature, partout. Et de fuite, d'exil, et où justement les gens faisaient halte à Paris. Enfin, c'était le grand caravansérail pour reprendre un souffle avant de repartir dans toutes les directions, en particulier en Europe, hein, où c'était, enfin, je dis en Europe alors que c'était pareil en Amérique du Sud et ou en Grèce. Enfin, mais à Paris, on se retrouvait. Il y avait comme une tente. Vraiment, Paris était comme une sorte d'immense tente. Où des gens venus de toutes parts, et qui donc faisaient confiance aussi à quelque chose qui, en France, a toujours résisté, et qui est littérature et philosophie mêlées. Faisaient halte, se retrouvaient, nouaient des alliances extraordinaires. Et 69, pour moi, c'est ça. C'est une société d'amis, où littérature et politique sont indissociables. Et comment ça fonctionne justement ce lien très fort entre littérature et politique ? Que peut la littérature dans un contexte dictatorial, puisque c'était votre terme ? Il faut surtout qu'elle... De toute façon, elle est en exil. Hein. La littérature ? Il faut qu'elle parte. Il faut qu'elle parte parce que sinon on est arrêté. Hein. Les gens étaient arrêtés. Que ce soit en Argentine, que ce soit au Mexique, que... Que ce soit au Brésil, que ce soit en Grèce, enfin c'était général, hein, sans parler de l'Espagne, etc. Bon. À ce moment-là, la littérature, elle est doublement... D'une part, elle accorde un asile, et un asile qui n'est pas petit, parce que c'est tout l'avenir, toutes les forces de l'avenir qui sont là. Mais d'autre part, il faut la protéger, parce que si on reste du côté des prisons, ben elle meurt. Voilà. C'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Mais c'est une époque, du coup, comme d'ailleurs on pourrait dire la même chose en ce qui concerne l'Union soviétique, etc. C'est une époque où il y avait floraison. Moi, ça m'apparaissait, parce que j'arrivais, ça m'apparaissait comme naturel. Vous arriviez d'où ? Ben, j'arrivais dans la vie, quoi. Vous aviez quel âge ? À ce moment-là, j'avais 32 ans et j'arrivais en France je suis arrivée en France quand j'avais 18 ans, mais j'ai mis du temps à arriver. D'ailleurs, je suis même pas sûre d'être jamais arrivée. Bon. Vous étiez en Algérie avant ? Avant, j'étais en Algérie, si on peut dire, parce que être en Algérie, ça n'a pas grand sens, en tout cas pour quelqu'un comme moi, parce que c'était déjà être dehors, puisque j'ai traversé toutes les guerres, depuis la Deuxième Guerre mondiale, puis tout de suite après toutes les guerres coloniales ou décolonisantes. Et ma conscience, en tout cas mon sentiment très fort, qui était indissociable de moi, c'était que j'étais dedans bien malgré moi, mais alors si j'étais dedans, c'était en prison. Et en même temps, j'étais une personne à expulser, qui était toujours expulsée. Alors expulsée... Par exemple, dans ma petite enfance, par le régime de Vichy, et ça c'était du vrai. Ma famille allemande, puisque ma mère venait d'Allemagne, était dans les camps de concentration, etc. Donc tout ça, ça faisait partie de mon paysage quotidien. C'était pas du tout tragique, hein, parce que ma famille apportait les choses avec énormément de cœur et de capacité à inventer. Et quand je suis arrivée en France, ben, je me suis toujours dit, je suis jamais arrivée, j'arrivais pas à arriver. Je savais partir, ça oui. Mais arriver, c'est une autre affaire. Et comme je vous dis, je ne suis pas sûre de l'avoir jamais fait. Et le recours à la littérature a-t-il été un moyen d'essayer d'arriver ou au contraire de maintenir cet exil ou ce départ ? Ben, c'est une bonne question parce que je pense justement que c'est de maintenir l'exil comme espace fertile et comme promesse de penser plus loin, de dépasser, de surmonter et d'inventer. Mais... ce qu'a été la littérature pour moi, d'abord, accidentellement, parce que biographiquement, j'ai été surdéterminée par la mort de mon père quand j'avais 10 ans. Et là, j'ai vu le monde partir en éclats. Et lorsque Derrida citait toujours un poème de Celan qui se termine par « Die Welt ist fort, ich muss dich tragen », il n'y a plus de monde et il faut que je te porte, sans qu'on sache qui est qui, ben, c'est exactement ce que j'avais vécu. Il n'y avait plus rien, enfin pas de sol, voilà. Et j'ai improvisé, j'en suis très très consciente, j'ai improvisé un sol de papier. Et alors les tables, le mobilier nécessaire pour mettre un cahier, ben c'était les arbres. Je grimpais dans les arbres et je me disais le monde tel qu'il est, qui est un monde de guerre, de haine, de cruauté, il n'est pas vivable et il faut aller dans l'autre. Ben l'autre, je le voyais même sur des étagères, il y avait des livres. Donc je pensais toujours, quand j'étais petite, je me disais, il faut vivre avec les livres. Ça, alors j'ai jamais eu aucune hésitation. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était à moi-même en fabriquer. Voilà. Et à quel moment vous êtes-vous mise à écrire ? J'avais toujours besoin d'écrire, mais je suis quelqu'un de cette époque-là. C'est-à-dire que je me disais que j'avais une maladie. Ma maladie, c'était, je ne peux pas vivre sans griffonner, sans écrire, sans noter. Mais ça n'avait pas de... Ça n'allait pas quelque part, puisqu'il n'y avait pas... Il n'y avait pas lieu pour les femmes. J'ai très tard, alors que j'ai toujours écrit, voilà, quand j'avais 25, 26, 27 ans, j'étais encore dans cette espèce d'obscurité où je me disais, mais jamais une femme ne va être autorisée à vraiment écrire et s'avancer dans cette communauté qui pour moi était totalement fermée, obscure. Oui. Et pourtant, en 1969, on vous remet donc le prix Médicis. Le prix Médicis 1969. a été décerné au roman « Dedans » par Hélène Sixous au troisième tour de scrutin par 6 voix contre 3 voix à Pierre Sylvain pour La promenade en bas et 1 à Pierre Bourjade pour New York Party. Est-ce que vous pensez qu'un écrivain écrit en fonction de son public ou d'un prix ou... Je pense que beaucoup d'écrivains le font, je ne le fais absolument pas. Ça m'est absolument impossible, je ne le ferai jamais. Je veux dire que de toute façon, si je suis honnête, c'est-à-dire si je tiens un langage qui me semble être le langage d'une certaine vérité, à ce moment-là, je m'adresse à peut-être, mais certainement pas à un public. Je ne considère pas d'ailleurs qu'il y ait une relation de auteur à public, qui est cette espèce d'échange agressif. Absolument pas, pour moi ça n'existe pas. Je suis moi aussi dans le public à ce moment-là. On dit bien Hélène Sixous, n'est-ce pas Hélène Sixous? Sixous. Non, pas Sixous, comme on l'a entendu, j'imagine qu'on vous appelait Sixous toute votre vie. Dans quelle mesure pensez-vous que votre texte, Dedans, était représentatif de la littérature française en 1969? Ben, je ne suis pas sûre que c'était représentatif de la littérature française publiée à cette époque-là. Je pense qu'elle trouvait des semblables dans une littérature qui n'était d'ailleurs pas précisément française, qui était très largement internationale, étrangère, etc., et qui d'ailleurs me nourrissait, et à laquelle appartenait ou on pouvait trouver, on pouvait croiser quelques grandes écritures, c'est-à-dire des auteurs qui pratiquaient ce qu'on appelait l'écriture avec Derrida, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas représentation ou expression, mais travail. Sur la langue, de la langue, par la langue. Alors, il y avait quelques personnes, immenses, d'ailleurs d'immenses écrivains, qui du coup me faisaient croire que le monde entier était aussi grand qu'eux, ce qui n'était pas le cas, qui relevaient de cet engagement, de cet art véritablement. Et donc, moi, devant moi, il y avait une armée, enfin des régiments d'hommes. Et il y avait quelques femmes, très très peu, parmi lesquelles on distinguait naturellement Marguerite Duras et puis Nathalie Sarraut. Mais chez les hommes, c'était admirable. Je grandissais en ayant le bonheur naturel de lire à côté de Rimbaud, qui est quand même initiateur, Blanchot, Bataille. Et bien sûr, en grande activité, et que je connaissais, que j'ai rencontré, bien sûr, alors Beckett, Genet, Henri Michaud, enfin c'était un monde. En 1969, alors effectivement, Beckett lui-même reçoit un prix, mais on trouve aussi la même année la disparition de Georges Perec, Adieu Gary Cooper de Romain Gary, on trouve aussi le livre des fuites de Le Clésio, Todorov publie la grammaire du Décameron, on a aussi Raymond Aron qui publie les désillusions du progrès, Louis Althusser, Lénine et la philosophie, Blanchot, vous l'avez cité, et en effet Marguerite Duras et Julia Kristeva qui publie ses recherches pour une sémanalyse. Monique Wittig aussi, les guerrières, donc on voit qu'il y a une grande majorité d'hommes par rapport à cette petite minorité de femmes. Mmh. Mais est-ce que pour vous, ça change quelque chose à l'écriture? Est-ce que vous diriez que votre écriture est une écriture de femmes ou une écriture féminine? Non, et j'ai eu beaucoup à faire avec ça, bien sûr. Enfin, c'est-à-dire, je pense qu'il y a une part, bien sûr, qu'on peut, qui provient, qui est surdéterminée par le fait que je me sens profondément engagée en tant qu'être humain. Mais comme je me sens composée de femmes, d'hommes, de bébés, de chats, d'arbres... On trouve tout ça en vous? Ah oui, oui. C'est tout vous ça êtes qui nombreux écrit. C'est tout ça qui... Oh oui, on est nombreuses, oui. Mais ce qui s'est passé à cette époque-là, parce que j'ai été en retard en ce qui concerne l'engagement avec les femmes par rapport au développement des mouvements de femmes. J'étais préoccupée en tant qu'universitaire, chercheuse, etc., que j'étais depuis longtemps. J'étais préoccupée par l'absence totale, justement, de part réservée au travail de la différence sexuelle et donc des femmes dans les sciences humaines. J'en étais malade. D'ailleurs, à plusieurs reprises, j'étais prof déjà à Bordeaux, à l'université de Bordeaux. J'ai démissionné, je ne sais plus, en 64. Prof d'anglais, vous étiez? Oui, de littérature anglaise. J'étais Joycienne, j'ai fait ma thèse sur Joyce. Et puis je me suis dit, c'est pas possible, c'est un monde, c'est un, même pas un demi-monde, c'est-à-dire un monde sans moitié, c'est 5% d'un monde, quoi, c'est rien du tout. Et à ce moment-là, ma pulsion, c'était, il faut changer l'université, il faut changer ces lieux où on prétend diffuser du savoir alors que c'est le contraire, c'est du confinement et de l'exclusion, et il faut faire advenir les autres, tout, il y en avait beaucoup, mais là, en première ligne, parce que quand j'étais en Algérie, pour moi, l'ennemi numéro un, c'était le racisme et l'antisémitisme. Quand je suis arrivée en France, je me suis dit, je me suis trompée. C'est pas ça qui est en première ligne, c'est la misogynie. Et là, j'en suis vraiment tombée par terre. Concrètement, quelle forme est-ce que ça prenait ? C'était partout. Voilà. D'ailleurs, il y en a encore, je veux dire, c'est très massif encore en France. Mais à ce moment-là, pour moi, je dis toujours, c'était comme une odeur. Vous entriez dans une salle d'une institution quelconque et ça sentait la misogynie. Tout était, comme dans un conte, tout était métamorphosé, voilé, tordu. Il s'abattait sur toute femme qui essayait de se tenir droite et d'avancer ou de parler. Une masse des voiles, des interdits, des négligences, des mépris incroyables, incroyables. J'ai trouvé ça absolument intolérable. Et mai 68 n'a pas aidé à changer la situation. Enfin, c'est-à-dire que... Il y a le mouvement de libération des femmes qui se constitue. En fait, ça a commencé visiblement, mais j'y étais pas, donc je tiens à le dire, en 68, parce qu'en 68, j'étais préoccupée par l'institution idéale que j'ai fabriquée avec Paris 8, avec Vincennes. À Vincennes. Et là, c'était une communauté très large, où j'ai instauré avec quelques amis, et comme conseiller Derrida, mais beaucoup d'autres, c'est-à-dire que toute la philosophie, la littérature, etc., je l'ai mise en place à Paris 8. Et tout de suite, ce que j'avais vu dans d'autres pays, mais qui n'existait pas en France, la France était sorbonnarde, et qui était une sorte de transversalité généralisée, où on ne pouvait pas imaginer faire littérature ou philosophie l'une sans l'autre. On ne pouvait pas imaginer non plus ne pas travailler, ne pas utiliser les outils de la linguistique, des mathématiques linguistiques et de la psychanalyse. Enfin, tout ça s'est mis en conjonction et en relais d'énergie et de mise en commun, de réflexion. À ce moment-là, c'était une libération extraordinaire. Donc le féminisme était à ce moment-là et à cet endroit-là, on reviendra sur Vincennes, secondaire ? C'était pas, puisque moi j'avais besoin d'agir et de faire ce que j'ai fait, c'était pas à ce moment-là, je n'avais pas ramassé, si vous voulez, depuis 10 ans, ce que par contre, la colère gigantesque, l'indignation et l'inspiration que peut produire la misogynie dans l'université, et pas seulement, parce que l'exclusion et le mépris étaient général à l'intérieur des humanités, l'une par rapport à l'autre, dans les institutions classiques. Donc, en fait, quand j'ai mis dans le bois de Vincennes l'université de Paris 8, qui était une université absolument idéale, vraiment de rêve, et qui a encore des traces, à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est génial, c'est merveilleux, et nous, et moi, et toi. Je me suis dit, mais moi, je regardais autour de moi, j'avais que des collègues masculins qui n'avaient pas la moindre idée du partage, de l'ouverture, même les plus avancés, les plus fins. Hein. Et je me suis dit, alors maintenant, deuxième phase, il faut y aller, il faut s'occuper de l'accès des femmes à tout ce qui était fermé. Et donc, comment vous avez fait ? Je cherchais, exactement comme pour 68, je cherchais une occasion. Le moment où, hop, on peut tout d'un coup faire le geste qui va ne pas être simplement une réclamation, mais un faire. Et alors, je dois ça à Chirac. À Chirac ? Non. En 74, il y a eu un remue-ménage dans les institutions. Et le gouvernement Chirac, etc., qui était plus qu'à droite, ils ont annulé les anciennes formations de recherche, de thèses, de doctorat, etc. Et il fallait repartir à zéro et reconstruire des formules de doctorat tout autre. Alors je me suis dit, voilà. Et comme j'avais quand même une souveraineté dans mon université, j'ai proposé à ce moment-là de créer un doctorat d'études féminines pour frayer un chemin. J'étais obligée de l'appeler comme ça. Études féminines. Oui, alors c'était un titre qui m'a évidemment... pas particulièrement enchantée, mais c'était reconnaissable par les institutions supérieures qui devaient donner, approuver ou pas un projet. Et comme il y avait les Women Studies aux États-Unis, alors ça faisait écho à quelque chose, même si ça savait pas du tout ce que c'était. Alors que quand j'avais pensé d'abord créer ça, je me disais peut-être axiomatique de la différence sexuelle ou poétique de la différence sexuelle. Je me disais, ouf, on pouvait pas employer ni axiomatique, ni différence, ni sexuelle, rien. Donc voilà. Donc c'était qu'une ruse, c'était un petit masque qui restait ensuite jusqu'à ce que plus tard, et aujourd'hui, ça a changé complètement et ça s'oriente. Enfin, je veux dire que cette appellation, elle est maintenant, elle est préhistorique. Mais voilà. Un livre comme, ça je vous le dis entre nous, ne le mettez pas, mais un livre comme le dernier d'Nathalie Sarraute, je ne sais pas si vous avez pu lire ça. Non, je n'ai pas lu. Entre la vie et la mort, c'est illisible. C'est toujours le problème de l'écrivain qui se demande si ce qu'il écrit est bon et qu'est-ce que c'est absolument stérile, et puis ça ne l'intéresse pas du tout. Il faut, mais ceci dit, ce n'est pas une raison parce que on veut parler de la réalité pour ne pas chercher la meilleure manière d'en rendre compte. Parce que la réalité, elle se décalque pas comme ça, d'une manière toute naturelle, sur le papier. C'est pas vrai qu'un roman, c'est un miroir qu'on promène comme ça au-dessus des choses. Non, il faut au contraire inventer sa forme, et il y a vraiment un travail à faire pour inventer la meilleure manière d'en rendre compte. Je ne sais pas, quand John Dos Passos, par exemple, pour rendre compte de la réalité américaine autrefois, car il a été un grand écrivain à un certain moment, et bien quand il a inventé la technique qui a donné 1919, Manhattan Transfer, etc., c'était vraiment de la recherche, c'était de l'invention. Mais c'est une invention qui doit avoir pour but de rendre la chose, de traduire avec des mots ce qui est bien loin du mot, qui est la vie de tout court. Eh bien, ça suppose ça une invention et une recherche, mais il faut que la recherche soit orientée vers quelque chose qu'on veut dire, et non pas, comme ça, planer complètement dans le vide. Donc la littérature doit être à la fois engagée, mais l'engagement ne suppose pas du tout qu'il n'y aura pas une recherche formelle, et même c'est tout à fait nécessaire, parce qu'il y a des manières périmées de raconter qu'il faut que la réalité échappe. De toute façon, c'est jamais elle toute crue qu'on a. Donc, comment la rendre avec des mots? Ça, c'est le problème de l'écrivain. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, nous terminons aujourd'hui notre série autour de l'année 1969 en philosophie. Aujourd'hui, en compagnie d'Hélène Cixous, venez d'entendre Simone de Beauvoir. En 1969, comment rendre compte de la réalité, y compris du combat féministe par la littérature? J'imagine que c'est une question que vous êtes posée à l'époque, Hélène Cixous. Non, pas comme ça, en tout cas, certainement pas. Je ne me suis jamais posé la question, et surtout pas sur ce mode. Vous n'avez pas beaucoup d'affection pour Simone de Beauvoir, j'ai l'impression. De toute façon, c'est un problème qui appartient, je dirais, au XXe siècle, qui, je ne sais pas si ça va continuer au XXIe siècle. Là, je dirais, l'impact, l'effet ou la référence Simone de Beauvoir. Il suffit de l'entendre pour se rendre compte que le rapport justement à la recherche, il n'y en a pas, puisqu'elle annule la recherche en disant c'est de la recherche complètement dans le vide. Mais la recherche est toujours dans le vide. Que font les astrophysiciens? Ils vont à l'aventure. Que font les grands poètes qui sont... Mais ce n'est pas des gens qui sont là en disant qu'ils sont des historiens ou des archéologues de quelque chose de passé. Ils s'élancent dans l'inconnu. C'est le mystère, bien sûr, de la littérature, parce que la philosophie demande plus d'accrochage à la paroi de la montagne. Mais je ne connais pas de poète ou de grand écrivain, donc poète, qui n'ait pas la même expérience de parler et de maîtriser la parole, bien sûr, ça c'est bon, mais surtout d'être parlé, de recevoir, d'être le récepteur, le médiateur, le prophète de messages, qui les dépasse largement. Mais j'ai l'impression que votre désaccord avec Simone de Beauvoir va plus loin que cette question de forme. Ah oui, non, mais c'est la généralité de toute façon de ces positions qui ont été des positions nécessaires à son époque et puis dépassées. Le fait qu'on en soit resté là est évidemment un phénomène à interroger socialement. Mais c'est-à-dire rester là. D'ailleurs, ce n'est qu'en France, hein. Mais rester là, rester à quoi? La référence à Simone de Beauvoir, si vous voulez, dans les milieux, dans une... Bon, chez beaucoup de gens qui pensent, enfin, ou qui abordent le féminisme en se disant avec quel support. C'est une référence totalement datée. Et qui deuxième sexe, c'est 49, en effet. Oui, mais comme vous le savez, elle parle encore. Et elle a parlé jusqu'à la fin. Oui. Et elle n'a pas lâché le pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, c'était quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de solidarité avec ceux qui lui a succédé. C'est-à-dire toutes les générations qui ont suivi, et qui, de femmes plus jeunes qui avaient d'autres expériences et qui avançaient. Elle ne les a pas particulièrement aimées. Ou... Ah oui, donc c'est un rapport de pouvoir que vous décrivez. Non, ça c'était la personne hein, qui exerçait ça et qui de toute façon était dans un rapport d'identification avec le phallus Sartre. Bon, vous l'avez rencontrée, Simone de Beauvoir ? Non, je ne l'ai jamais rencontrée. Enfin, entre-aperçue de loin, c'est arrivé, mais mes amis, y compris de jeunes écrivaines, par exemple, je me souviens d'Annie Leclerc, qui était très comme ça dans une proximité avec Simone de Beauvoir, qui a été jetée quand elle a écrit Parole de femme. Et parce que c'était... Non, c'est de quoi parle-t-on là ? C'est plein de choses féminines, on parle de règles, etc. Non. Non. Non, je pense qu'elle a fait obstacle, même pas, je dirais même pas volontairement, parce que ça n'a pas de sens, hein, mais par cette position dominante que le couple avait dans la vie intellectuelle française, et qui s'est achevée, je dois dire, en ce qui concerne, par exemple, la philosophie française. Sartre, ce n'était plus le maître à penser au moment où moi, j'ai commencé à travailler dans ces domaines. À ce moment-là, il y avait les jeunes philosophes, les très très grands, les nôtres, qui étaient innombrables, différents les uns des autres, ce qui est aussi une richesse. Et donc, il y avait à ce moment-là Derrida, Foucault, Deleuze, etc. Et je dois dire qu'il n'y en a pas un là-dedans qui en quoi que ce soit considéré comme descendance. Mais alors, Simone de Beauvoir, elle avait fait une sorte d'OPA, encore une fois, bon gré mal gré, sur le mouvement des femmes, et avec toutes les limites. Pas de psychanalyse, pas de rapport à l'inconscient. Enfin bon, je trouve ça même pas intéressant. Ça revient aux historiens. Voilà, aux historiens de la pensée, de l'histoire intellectuelle, de la culture, et puis bon. Quelles sont les personnes alors qui se sont emparées de cette réflexion autour, non pas de la femme, mais de la féminité? Eh bien, parmi ces personnes, on trouve notamment Jacques Derrida. Pour aller vite, la déconstruction a été d'entrée de jeu une déconstruction du phallocentrisme de façon essentielle, hein, ou du phallogocentrisme. Marquez bien que c'est une certaine autorité masculine qui se trouvait questionnée par la déconstruction. Au nom, sinon de la féminité, du moins de la différence sexuelle. Maintenant, la loi... Si dans tel ou tel texte, je lui ai reconnu une figure féminine, ça n'est pas constant. Hein. La figure masculine lui est aussi appropriée. Le mot « loi » n'est pas féminin dans d'autres langues, dans toutes les autres langues. Donc, je pourrais citer beaucoup de textes. Au contraire, c'est la figure paternelle de la loi qui est interrogée, remise en scène. D'autre part, le discours que je tiens à ce sujet n'est pas un discours féministe. C'est un discours qui, d'ailleurs, quelquefois, ici, disons, peut trouver des alliés chez les femmes et puis aussi bien des ennemis chez les féministes. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. C'était en 1998, au micro de France Culture, Jacques Derrida affirmait que la déconstruction a aussi été celle du phallogocentrisme, avant d'ajouter que ce n'était pas un discours féministe. Et il me semble avoir perçu la même réserve dans votre bouche, Hélène Cixous, de ce n'est pas un discours féministe. Quelle est la différence entre à la fois déconstruire le phallogocentrisme, mais en même temps ne pas céder à un discours féministe? Mais le mot de féminisme, c'est un petit peu, si vous voulez, là aussi, c'est un mot qui doit être... analyser en situation, en contexte. Au début du mouvement des femmes, il y avait, et c'est local en plus, ou régional, ou national, voilà. Moi, voyageant dans l'univers, j'étais obligée chaque fois de changer de lexique suivant l'état de la culture du pays où je me trouvais. Alors, par exemple, aller aux États-Unis, tout le monde est féministe. Le féminisme américain, c'est quelque chose qui a une puissance extraordinaire et qui est d'une autre espèce que celui qu'il y a eu en France. Et quand j'étais aux États-Unis, bah, bien sûr, j'étais féministe, comme une grande majorité des femmes américaines, et pas mal d'hommes. Alors qu'en France, féministe, c'était un mot qui avait été réquisitionné ou requis par un certain nombre de personnes, des femmes, pour la plupart, bien sûr, et dont la demande ou la réclamation portait sur l'égalité. Donc voilà, il faut passer par l'égalité, donc on demandait aussi de la loi, ce qui est de toute façon nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a toujours un féminisme élémentaire nécessaire. Il y a un premier niveau de la prise de conscience de ce qui ne va pas en ce qui concerne la vie des femmes, qui est féministe. Mais ça s'arrêtait là, c'est-à-dire qu'ensuite, il n'était pas question, par exemple, d'analyser la misogynie, et ce que ça signifiait, de penser en termes de phallus, si bien que parmi les féministes, il y avait énormément de personnes de bonne volonté, qui en même temps ne décrochaient absolument pas d'une identification au phallus. Bon, alors le phallus, évidemment, c'est aussi un terme qui est d'époque, mais qui est quand même bien, bien pratique, puisque ça représente, c'est vrai, la pulsion de pouvoir, et il faut dire aussi une chose, c'est qu'il ne faut pas se tromper et penser que le phallus, ou que la question du phallocentrisme, comme dit Derrida, ne concerne que les hommes. Mais c'est pour ça, pourquoi est-ce un problème en soi, si c'est autant les hommes que les femmes? Ah mais bien sûr, mais alors ça, je dois dire que quand même, la plupart des femmes dénient complètement l'idée qu'elles peuvent être, justement, elles-mêmes phalliques. Et pourtant, alors là aussi, je pense très souvent que aux États-Unis, à cause même du cinéma, etc., on voit des raffinements qu'ici on n'a pas vu s'illustrer avec des exemples. Alors, par exemple, des films avec des histoires de sexualité, etc. Et où on pense que c'est une histoire entre hommes et femmes, mais on se rend compte qu'en fait, c'est la femme qui est phallique, etc. Et ça arrive tout le temps. Alors là, le féminisme français, c'était une partie de la société avec femmes qui disait « je suis féministe ». Si bien que, puisqu'il y a une réclamation forte d'une certaine partie de la population, qui en plus est souvent à ses entrées dans les gouvernements, surtout de gauche, à ce moment-là, il faut faire attention à son lexique. Donc en France, si je disais « je suis féministe », c'était repéré dans un petit monde, comme dans un salon, si vous voulez. Mmh. Donc non. Non, moi, personnellement, ce à quoi je travaille, c'est effectivement, même en relation étroite avec le travail de Derrida, compte non tenu du fait qu'il est un homme et que je suis une femme, parce que une des réflexions qui porte tout ça, c'est qu'il y a passage. C'est que il y a une binarité. Alors, Simone de Beauvoir, par exemple, homme et femme, c'est totalement binaire. Et même l'histoire de la PMA et de l'opposition à la PMA aujourd'hui, ce sont des histoires de binarité. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un homme et une femme pour qu'il y ait un enfant. Ou il faut qu'il y ait un mari et une femme. Et, enfin, bon, toute espèce de choses qui sont démenties complètement par tout simplement les expériences psychiques et biologiques humaines, où rien... Enfin, maintenant, on a fait des progrès gigantesques, mais donc à l'époque, il n'y en avait pas. Vous ne vous définissez pas comme femme? Mais c'est des questions toujours de contexte. C'est-à-dire, si je vais, par exemple, en Inde, je vais dire que je suis une femme. Parce que le combat, il en est à ce niveau-là, pour le moment. Oui, je suis une femme. Mais je peux, bien sûr, j'ajouterai en Inde en particulier, je dirais oui, mais je suis une femme avec chat. Voilà. Et ça, ils comprennent parfaitement, parce qu'ils sont mélangés d'animaux. Bon. Et selon, justement, le lieu où je me présente, d'abord, je rends compte de cette complexité qui fait que, en général, les gens reculent, parce qu'ils disent « oui, il faut penser tout ça, c'est compliqué, etc. » Mais oui, c'est très compliqué. Mais ces modèles, nous les avons depuis toujours. En tant que... Justement, alors, je me suis toujours dit que la littérature avait des longueurs, des siècles d'avance sur toutes ces problématiques. Parce qu'il suffit que vous preniez Ovid, il y a tout. Et moi, venant d'Ovid, ou de Shakespeare, je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi on recule plusieurs siècles? Tout est là. Vous prenez As You Like It dans Shakespeare, avec un personnage extraordinaire qui s'appelle Rosalind, mais qui s'appelle aussi Orlando, etc. Champion du travestissement. Ah, mais absolument. Mais ce travestissement, il touche aussi à la moelle, à l'âme, à la sexualité, tout. Et, mais ça, toute personne qui a travaillé justement dans l'univers des passages et des bordures et du débordement des frontières, etc., qui opère en littérature, le sait. Puis ensuite, on se rend compte, on arrive dans un monde où on dit « Ah ben non, il faut faire la queue, homme, femme, etc., partout, tout le temps. » Et on recommence en ayant, encore une fois, des retards considérables. Et ça continue de toute façon. Alors, de quelle manière cette plasticité, cette absence de binarité, hein, homme-femme, se traduit dans votre travail, Hélène Cixous, votre rapport à l'écriture, votre rapport à la pensée? Écoutez le témoignage que Jacques Derrida a formulé pour vous, le témoignage de votre travail, dans un texte qu'il a prononcé au colloque de Cerisy. C'était en juin 1998. Il parle donc de vous dans ce texte. C'est un texte lu par le comédien Vincent Schmitt. Je l'ai rencontré peut-être il y a quelque 35 ans. Et bien que je n'y ai probablement jamais rien compris, bien que je ne l'ai pas encore comprise, nous ne nous sommes sans doute jamais quittés. C'est comme si nous ne nous étions quasiment jamais quittés. Oui, je crois, je l'ai rencontré peut-être il y a quelque 35 ans. Je voudrais dire et répéter cette phrase comme un seul mot très long, un seul vocable, comme si je l'énonçais en langue, inintelligiblement, d'un seul souffle. Elle avait écrit, elle m'avait écrit. Auparavant, m'a-t-elle dit depuis, de longues années auparavant, quelques 7 ans auparavant, elle m'avait, elle, vu et entendu, mais de dos. Elle m'avait vu et entendu de dos parler. Moi, à la date de notre rencontre, je ne l'avais encore, moi, jamais vu, elle, jamais entendu, jamais lu. L'aurais-je fait depuis ? Ce qu'elle m'avait écrit, avant la rencontre, ce ne fut pas une vraie lettre, sans doute, mais une carte postale. Un mot très rapide, de loin, de province. Ce qu'elle m'écrivit alors, une carte postale, quelque chose de rapide en guise de lettre, cela parlait déjà et seulement de lettres, d'écriture et de littérature. Ce message rapide, comme ce qui a suivi, est devenu pour moi puissamment spectral. Entre perception, mémoire, fantasme, hallucination, autosuggestion, autant de catégories soumises par ici à grande turbulence. Après quoi seulement, après laquelle carte postale, nous nous sommes vite rencontrés, je veux dire rencontrés à la lettre et de face, un beau matin, rendez-vous au Balzar. Quelque temps plus tard, je lisais le manuscrit de ce qui devait s'appeler « Le prénom de Dieu », son premier livre qui n'avait pas encore de nom, et je me demandais déjà ce qui arrivait là. L'atterrissage en plein vol ou l'envol tout phare allumé d'une parole inouïe. L'apparition d'une lettre et d'un objet littéraire non identifiable. Qu'est-ce que c'est que ça, me suis-je à peu près demandé. Qu'est-ce qui arrive là? Qu'est-ce qui m'arrive? Quel genre? Qui pourrait lire ça? Moi? Ça doit être étrange pour vous d'entendre un texte de Derrida lu par quelqu'un d'autre que Derrida lui-même, Hélène Cixous, non? Ben, j'étais reconnaissante aux comédiens de ne pas trop en faire, c'est-à-dire d'être dans la l'étonnement, c'était bien. Derrida ici décrit un choc, il parle de paroles inouïes en lisant votre texte, votre premier texte, l'apparition d'une lettre et d'un objet littéraire non identifiable. Mmh. Ben oui, ça s'était passé comme ça. C'est votre texte qui lui a parlé d'abord. Non, on s'est rencontrés. Comme il le dit, d'abord, voyez par exemple le genre de choses que je trouve importantes. Je vais prendre deux mots, comprendre et rencontre. Lui, il déconstruit, pour utiliser son mot, ce que c'est que comprendre. Parce que les gens disent, je veux comprendre ce que dit Simone de Beauvoir. Il faut comprendre, il faut qu'on comprenne. Voilà. Ce que disaient les journalistes quand j'ai commencé à publier. Mais c'est incompréhensible. Vous pouvez pas parler français comme tout le monde. Ça, c'était ce qu'on me disait. Mais je parlais plus que français. Je parlais un plus que français. Un français avec toutes ses étrangetés. Bon. Et en fait, un texte qu'on comprend, c'est un texte de journal. C'est pas un texte. C'est pas un texte poétique. C'est évident que un grand texte, comme tous les grands textes, comme celui de Proust, comme celui de Shakespeare, celui de Joyce, sur lequel moi je me penchais depuis des années et des années, c'est un texte qui ne se donne pas à comprendre au premier regard. qui semble incompréhensible et qui demande justement au lecteur de participer, d'agir, de commencer à fouiller le texte, à se dire mais comment tu es fait, comment ça marche, c'est quoi? C'est-à-dire en fait d'avoir aussi évidemment une sorte de confiance et de respect pour l'acte, l'objet littéraire qui se présente comme nouveau, comme inouï, comme inédit. Voilà. Et donc, là, il en parle, mais pour lui, c'est évidemment ce qu'il lit tous les jours. Et on l'a toujours accusé d'être incompréhensible. Oui. Mais oui, bon. Et d'ailleurs, il a créé, spectralement, comme il dirait, une sorte de société des illisibles. Mais c'est illisible! Enfin, il y a plein de gens qui arrivent à lire l'illisible. Mais bien sûr que ce sont des gens qui ont compris qu'il s'agit là d'un art, et d'un art qui propose des trésors seulement, il faut faire l'effort. Voilà. Et il y a des gens qui disent, bon, non. Oui, c'est bon. Une prose exigeante. Mais bien sûr. Et quant au mot rencontre, moi je trouvais ça en passant, je me disais, c'est bien. Voilà, pour moi c'est essentiel. Vous dites, je l'ai rencontré, mais lui il le dit au moins 20 fois dans ce texte. Enfin, je dis 20 fois, c'était peut-être 10, 12, bon. Mais est-ce que j'ai rencontré qui j'ai rencontré? Ou est-ce que j'ai rencontré une idée? Ou alors, comme il le dit, parce que ça c'est concret et c'est très intéressant, moi c'est vrai que je l'ai rencontré de dos. Et qu'est-ce que ça veut dire rencontrer un dos? J'ai rencontré Derrida, c'est-à-dire le dos de Derrida, quand j'avais 18 ans. Je suis rentrée dans une grande salle, un grand amphi de la Sorbonne, il y avait un étudiant qui passait un oral d'agrégation, qui était tout au fond. Moi, j'étais. Voilà, il y avait toute la salle entre nous. J'écoutais, et donc, rencontré de dos, j'entendais la voix. Voilà. C'est absolument biblique. Hein, voilà. Comme vous savez, on entend les voix, mais on ne voit pas. Bon, on voit quelque chose à la place. Un dos, un buisson, enfin, voilà. Et là, ben, oui, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré, mais je ne l'ai pas rencontré. Bon. Et puis, comme il le dit, c'est resté. C'est-à-dire que je suis restée avec cette espèce d'image primitive. Et lui et moi, nous nous sommes ensuite rencontrés, comme il le dit, en précisant, puisqu'il faut, qu'est-ce que c'est qu'une rencontre? Il y a une rencontre à la lettre. Il y avait de la lettre. Il y avait énormément de lettres, puisqu'on ne parlait que de littérature. Et de littérature, justement, moi je m'adressais au philosophe, mais c'est la littérature qui venait lui parler. Moi je voulais lui parler de Joyce. Mais je me disais, il n'y a qu'avec lui que je peux pas. J'ai pas pensé littérature-philosophie. J'ai pensé justement ce couple indissociable qui avance. Et puis de face, alors oui. Quoique, encore là, j'étais encore sous le coup du dos, si je peux dire. Parce que j'étais tellement. Puisque, à ce moment-là, on avait une telle ferveur dans le travail de la pensée que je suis pas sûre de l'avoir regardé. Parce que je regardais surtout sa pensée. Ah, vous parlez d'apparition biblique. Oui, voilà. Mais je ne pensais pas ça, bien sûr. Bon, on était en train de prendre un café. Ici, je prends un chocolat. Et ça faisait partie, justement, de l'interrogation radicale, et dont on sait qu'elle va mener très loin. Mais on ne sait pas où. On ne sait pas où. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous avez rencontré quand vous avez rencontré Derrida? Je sais évidemment beaucoup de choses. C'est-à-dire beaucoup plus que je savais à l'époque. Mais un bilan, une somme, etc. Non, parce que ben je pense que j'en saurai encore plus dans 100 ans ou dans 200 ans. Enfin, voilà. Vous continuerez à penser après. Ah, certainement. Après la mort. Ah oui. Ben oui, mais lui aussi. Il y a une autre personne, une autre voix qui a beaucoup compté pour vous. La voici. C'était en 1969. Elle s'appelle Ariane Nouchkine. Moi, j'ai l'impression que notre méthode, c'est plutôt d'être conscient du fait que on n'en a pas. Et que on cherche, et que on se sert sans aucune vergogne ni scrupule de tout ce qui nous semble intéressant dans les méthodes qui ont été trouvées avant nous par des gens très très bien, et qui souvent ont été opposées par leurs successeurs. On dit souvent que Brecht, c'est le contraire de Stanislavski, ce qui est tout à fait faux, absolument faux. Et en fait, très souvent, on retrouve les mêmes visions, les mêmes exercices, les mêmes conceptions sur les acteurs chez les deux. Maintenant, même on a commencé à inventer des exercices pour certaines choses qui nous semblaient nous manquer, en essayant de finalement de ne refuser que l'a priori. Voilà. Autant l'archive de Simone de Beauvoir, vous avez plutôt fermé le visage d'Hélène Cixous, là on peut dire que vous avez retrouvé le sourire. Ah ben oui, parce que je me dis, c'est quand même merveilleux. Elle dit là ce qu'elle dit aujourd'hui, mais qu'elle dit avec maintenant 50 ans de création absolument fabuleuse, et parce qu'elle ne ment pas, parce qu'elle est dans la recherche. Donc elle ne raconte pas les blagues qu'on raconte sur le savoir et la recherche. Et c'est vrai que s'il y a un lieu qui réconforte de ce point de vue-là, c'est le théâtre, là où le théâtre avance par improvisation. Bon. Et ça, je trouve qu'on devrait pouvoir utiliser simplement cette référence à l'improvisation quand vous allez en répétition au théâtre, où je vais très souvent, puisque je suis l'auteur du Théâtre du Soleil. C'est admirable de voir qu'il n'y a pas de préconception. Il y a une sorte de visée d'un rêve merveilleux, comme d'un pays lointain qu'on veut atteindre. Et on se dit, et comment? Par quel moyen? Par quel corps? Par quel chemin? Et ce sont les comédiens avec le metteur en scène qui improvisent. Mais qui improvisent, on se dit, mais pour improviser de cette façon-là, là par exemple, en ce moment, il y a 40 comédiens au Théâtre du Soleil. Ben, il y a véritablement... Un flambeau qui mène tout ça parce qu'elle y croit, parce qu'elle est la foi incarnée, c'est Ariane. Et puis, il y a un peuple qui va en trébuchant, en improvisant, en disant, mais comment on rentre dans, par exemple, comment on rentre dans cette scène? Et vous avez 10 possibilités de rentrer, il n'y en a qu'une qui marche. Et c'est en essayant... Et différente à chaque fois. Mais absolument. Mais en fait, le Théâtre du Soleil, c'est une des rares choses qui est encore intacte, qui existait en 1969 et qui existe de la même façon en 2019. Ça commençait en 69, donc ça commençait avant, parce que c'était déjà... Et là, c'est là que rien n'a atteint avec la troupe quelque chose d'inouï, c'est-à-dire cette espèce de rencontre qui ne s'est ensuite jamais interrompue entre le peuple du théâtre et puis les peuples de la Terre, pour essayer d'ausculter, d'interroger les grands événements qui changent nos existences. Alors, les grands événements politiques, c'est très politique toujours. Mais en même temps, c'est un art qui est un art physique, qui est un art spirituel, sans qu'il y ait de religion ou quoi que ce soit. Il y a, je dirais que tous les comédiens et tout ce théâtre, c'est comme une sorte de peuple de poètes de tout genre, des petits, des grands, des... Voilà. Le poète étant la figure de l'artiste par excellence pour vous? Enfin, c'est un mot que j'utilise parce qu'il n'y en a pas d'autre comme Dieu, quoi. Hein. Faut qu'il y ait des mots. C'est faute de mieux, vous employez le mot. Oui, c'est-à-dire qu'il faut, c'est des instruments. Exactement comme il faut des instruments et des noms quand on se met à explorer l'inexploré. Voilà. C'est ça que vous essayez de faire encore aujourd'hui? Votre rapport à l'écriture est toujours guidé par le même geste? Ah ben oui. Explorer l'inexploré. Oui, mais j'ai l'habitude, c'est-à-dire que ça ne me fait pas peur. Je me dis pas que ce que je me disais, par exemple, quand j'ai écrit le premier texte qui a terrifié Derrida, c'était mais c'est terrifiant, ça me fait peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends rien du tout moi-même. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Et je me suis dit ça, c'est peut-être de la folie. Je l'ai vraiment pensé. Maintenant, ça me fait pas peur du tout. C'est au contraire un bon signe. Le fait que je ne sache rien, que je m'avance et que je me dise c'est par là-bas que se lève le jour, il faut y aller. Même si je suis dans le noir, ça ne me fait pas peur, au contraire. Vous regrettez quelque chose de l'époque 69, l'université de Vincennes, par exemple? Je regrette... Je suis pas quelqu'un qui regrette, parce que j'ai tant à faire devant que bon... Mais enfin, s'il y a une chose qui est perdue, et ça c'est une source de chagrin, c'est quand même la vie de tous ces gens qui étaient des gens merveilleux. Des écrivains admirables, que vraiment j'ai aimés, qui étaient immenses et qui étaient joyeux. Qui étaient jeunes, qui inventaient, qui avaient chacun un univers très fort, parce que je fréquentais surtout des écrivains étrangers, donc il y avait justement Cortázar, il y avait Fuentes, il y avait Octavio Paz, il y avait aussi les Européens, il y avait Calvino, il y avait Basilicos, etc. C'était un monde, et c'était un monde qui se réunissait par amour, qui faisait la fête, alors que tous étaient des exilés, des gens qui souffraient. Eh bien ça a disparu totalement. C'était des gens qui se reconnaissaient, qui s'encourageaient. Je me souviens d'une expédition de Fuentes au moment du printemps de Prague, et, qui me racontait ça. Il me disait, tu sais, je suis revenue avec García Márquez. Et alors, dans le train, on pleurait. On se disait, c'est foutu, le monde est plein de temps, qu'on n'en sortira jamais. Puis quand on est descendu du train, on s'est embrassé, puis on a commencé à rire. Et moi, je me dis, ça, entre grands, entre très grands, et d'abord, il n'y a pas de grands, et puis, cette espèce de solidarité, d'amitié, de joie. Non. Vous faites encore la fête, vous? Mais plutôt avec le théâtre. Vous êtes plutôt Beatles ou Rolling Stones? Ah ça, je suis plutôt Beatles, mais je ne sais pas pourquoi, je crois que c'est l'Angleterre en moi qui fait que, entendant ces petits de ces villes que je connais assez, ça m'a toujours touchée. Ben les voici pour terminer cette émission. Merci beaucoup Hélène Sixou d'être venue nous parler de l'année 69 aujourd'hui avec vos mots, vos goûts, vive les Beatles. J'en profite pour rappeler le texte de la pièce Une chambre en Inde, une création du Théâtre du Soleil dirigée par Anne Nouchkine. Eh bien, sera repris à partir du 27 novembre jusqu'au 31 décembre 2019. Et votre dernier livre paru s'appelle Nacre, cahier, et on le trouve aux éditions Galilée. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, pendant que la guitare des Beatles pleure doucement, il est temps d'accueillir et de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, vous avez une question qui vous taraude et que vous voudriez nous poser. A-t-on encore besoin de héros ? C'est une question que je me suis posée hier soir en regardant les mondiaux d'athlétisme, mais elle est en fait le fruit de plusieurs éléments. Il y a donc eu ces championnats du monde d'athlétisme. Ils ont lieu cette année au Qatar dans des conditions climatiques particulièrement difficiles, alternant entre des températures à 40 degrés et une climatisation surglacée. Des athlètes d'ailleurs n'ont pas manqué de le rappeler, voire de s'en révolter. Certains d'abandonner, d'autres ont tenu bon. Hier soir, au lancer de marteau, Quentin Bigot a ainsi remporté la première médaille française et j'ai été très émue. Hyper serein, pas fanfaron mais satisfait, pas révolté mais vigilant, avais-je là sous les yeux le nouveau héros. Hugo, c'est un homme qui nous dépasse, si vous voulez. C'est de l'extra large, quoi. C'est plus grand que nous, hein. Parce que c'est un homme qui est à même avec la nature, le cosmos, qui va de l'érotique au cosmique. C'est un homme qui aime les gens. C'est un homme qui milite pour la fraternité, qui a tout de même été 20 ans d'exil, hein, pour défendre ses idées scandales. Il dit pas ce qu'il fait. Il fait pas ce qu'il dit, hein. Il se dit jacobin, mais en fait, il déteste le populo. Il le dit d'ailleurs. Il est très franc. Victor Hugo est un homme cohérent, conséquent, et qui nous agrandit, qui nous élève. Tout a commencé en ce qui concerne mon interrogation sur notre besoin de héros avec Régis Debray et son canular au cœur de son dernier essai du génie français. Il a imaginé l'organisation par la Société des gens de lettres d'une consultation pour désigner l'écrivain incarnant le mieux la France. Stendhal remporterait selon lui la mise contre Proust, Flaubert, mais surtout contre Hugo, son chouchou. En écoutant les multiples interviews de Debray, je dois dire que je me suis moi-même prise au jeu. Qui incarnerait à mes yeux l'écrivain français par excellence, le porte-parole culturel de notre pays à travers les siècles et le monde ? Qui pour être le héros national version littéraire ? Balzac et sa comédie humaine ? Zola et son histoire naturelle et sociale des Rougon-Macquart ? Ou Welbeck et sa crétine contemporaine ? Pour y répondre, je me suis dit qu'il fallait trouver des critères. À quoi doit tenir un héros ? Qu'est-ce qui le rend héroïque ? Ses records, son succès, son style, son caractère, sa cohérence ou son sens de l'opportunité ? Est-ce que ça tient à lui ou à ce qu'on a vu en lui ? L'héroïsme s'impose-t-il de fait, incarnant ce qui est déjà là, une grandeur présente, ou s'impose-t-il de droit, appelant ce qui devrait être un idéal espéré ? Dans tous les cas, le héros semble devoir être mieux que moi, mais est-ce toujours le cas ? J'ai ça dans la peau, Adrien. C'est ça que t'as épousé. Et on se refait pas, tu sais. Si, on se refait. On ne change rien du tout, Adrien. On a beau vouloir, on n'est jamais que ce qu'on est. Rocky a aussi contribué à mon questionnement sur notre besoin de héros. Et oui, c'est la parution d'un essai qui élève Stallone au rang de héros de la classe ouvrière qui me l'a soufflé. Aux héros sportifs proches des figures antiques, brillants par leurs exploits, aux héros que l'on élit comme porte-parole d'une nation rêvée, il faudrait ainsi ajouter ce genre de héros modernes, beaucoup plus proches de nous. Et c'est vrai que ces héros, eux, nous ressemblent. Mais leurs qualités ordinaires, alliées à l'obstination et à la chance, les rendent malgré tout meilleurs que nous. Il faut le dire, la caractéristique reste donc la même. Le héros a toujours quelque chose de plus que moi, sinon il n'en est pas un. Voyez aussi les super-héros, certes humanisés à coups de blagues et de questions existentielles, ou les anti-héros qui, vicieux, s'élèvent pourtant au-dessus de la masse. D'où ma question, pourquoi a-t-on besoin de mieux que nous, de plus fort, de plus acharné, de plus vertueux ou de plus vicieux? A-t-on besoin d'exemples, de guides, de représentants, de porte-parole? Pourquoi l'ère démocratique n'a-t-elle pas mis fin à cette dynastie des modèles? Pensez qu'à vous! Vous n'êtes même pas aperçu que j'ai paumé ma gourmette en or, que j'ai raccourci ma frange, je vous l'avais même pas vu. J'ai plus rien à mettre, j'ai plus de chaussettes dans mon tiroir. Vous avez même plus le temps de me faire réciter mes sons, ni de me faire à bouffer. Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse. Mais qu'est-ce qu'elle a? 13 ans. Je me suis alors demandé qui était mon héros personnel et j'en suis arrivée à Victoire Berreton, Vic, héroïne de la Boom. Ado comme les autres, elle n'a rien de particulier, mais alors vraiment rien. Mais de manière générale, il y a peu de personnages qui m'ont fait rêver. Essayez de penser aux vôtres. En avez-vous vraiment? Et si oui, vous ont-ils vraiment guidé? Les champions, les héros nationaux ou de classe ont quelque chose du simulacre. Ils reproduisent des hiérarchies qui n'existent plus. Ils viennent combler un besoin d'exception qui ne fait vibrer que quelques minutes. L'originalité serait de voir dans le commun, dans l'uniforme, dans le moins ou l'absence de traits particuliers, quelque chose d'exceptionnel. Est-ce possible? Eh bien, Victoire Berreton me fait penser que oui. Merci Géraldine. Vous avez un héros, vous, Hélène Cixous? Non, j'étais en train de réfléchir à tout ça, parce que c'est des pensées qu'on remue toujours. Moi, ce qui m'intéresse, enfin, ou alors parler évidemment de héros comme on en parle au théâtre. Le ouais, héros 2, bonne réponse. Le personnage. Le personnage est toujours un bon héros. Mais le héros, j'étais en train de me dire qu'en fait, si justement les gens ont besoin de héros, c'est parce qu'ils pensent au contraire qu'ils peuvent atteindre ce niveau iconique. C'est pas parce que ça les dépasse vraiment, ça les dépasse, mais ils pourraient. Voilà, Merci. Et par ailleurs, il n'y a pas pire que le héros, si je peux dire. Mais voilà, ce sera la conclusion. Non, Géraldine, un conseil de lecture? Oui, Sylvester Stallone. Les héros sportifs, je trouve que les vrais grands sportifs, comme ce garçon. Quentin Bigot. Ouais. C'est très émouvant parce qu'ils font corps et ils ont un rêve. Ils font corps avec leur outil de grandeur. Géraldine, conseil de lecture? Donc Sylvester Stallone de David Da Silva, héros de la classe ouvrière chez Leitmotiv. Votre chronique à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Isis Jourda, Manon Delasselle, Géraldine Mosna-Savoie, Jules Barbier, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette semaine, Anthony Thomasson à la prise de son. À demain pour un nouveau numéro de Profession Philosophe. Ce sera demain le philosophe et ancien ministre de l'Éducation Vincent Payon qui sera à ce micro. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission en ligne et rendez-vous également sur les réseaux sociaux.